vous êtes assez fait passer. 89.1. Pour ceux qui se demandent où est l'émission Rock de Neuron qui devait continuer parce qu'avant la pause, on a annoncé les pièces qu'elle allait jouer, sachez qu'à cause de problèmes techniques, l'émission a commencé un petit peu en retard, donc elle va être coupée de moitié, mais elle va rejouer au complet dimanche matin à 10h. Donc Rock de Neuron avec Jimmy Farley dimanche matin à 10h. Mais pour l'instant, c'est les palmarès, c'est fou. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 29 février au 6 mars 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hello! Hello! On est ensemble pour 3 heures encore cette semaine. Oui! Pour écouter la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. La semaine passée, le numéro 1 anglophone était occupé par Young Rival avec Interior Light. Et du côté francophone, eh bien, c'était La Brume de Renard Blanc. Est-ce qu'elle sera encore au premier numéro cette semaine? Au premier! Eh bien, c'est à savoir. Ah, wow. On a quelques nouvelles entrées, bien sûr, pour commencer cette émission-là. Il y en a 4 en tout. Du côté anglophone, moi, je vois Nap Eyes ainsi que Radical Face. Et du côté francophone, eh bien, Les Amis au Pakistan et Pandacide. Eh ben, ouais. Colin. On a aussi, évidemment, Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées, ainsi que le bloc C'était Fou. Et cette semaine, on va retourner en 2012. C'est à venir plus tard, mais commençons avec les nouvelles entrées en 20e place. Tout à l'heure, il y aura Radical Face avec la pièce The Road to Nowhere. Et du côté francophone, eh bien, ce sera la pièce Mamf des Amis au Pakistan en 20e. Et ce, je l'ai entendu. Oui. Est pas mal fucké. Ah, OK. Si tu trouvais l'autre fucké, ouais. Ça l'est pire fucké. Oh boy. Eh boy. Là, on est assez parti. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. lots of parties. Fin! Nouvelle entrée. Sleep soundly. All 9. Nouvelle entrée. Just got to accept. And I'm no better for getting sick of getting no break. The feeling is something like disrespect. Except it doesn't even know I exist. Why didn't he roll? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he listen to our song? Why didn't he roll it? Now being a stranger in a strange, strange town, didn't you hope that everyone would come on and crowd around? La pièce s'appelle Roll It par le groupe Nap Eyes, position numéro 19 en nouvelle entrée anglophone. Leur seule inspiration, selon eux, c'est Still Crazy After All These Years de Paul Simon. Et ça a bien du sens parce que pour vrai, je trouvais déjà que ça ressemblait à du Paul Simon. C'est un groupe qui vient de Halifax en Nouvelle-Écosse. Leur album s'appelle Thought Rock Fish Scale. Ouh! Et du côté francophone, en 19e, on a entendu Voiture de course de Pandacide, un band de Montréal de franco-rock qui sonne un peu comme un panda sur l'acide, disent-ils. Ben, ça a du sens avec le nom, hein? Celle-là, je l'ai bien aimé. Par là, ce Pandacide, ouais. On va réentendre ça, c'est sûr. En 20e place, anglophone, nouvelle entrée de Radical Face, The Road to Nowhere, c'est sur leur album de Family Tree, The Leaves. Et ça, ben, c'est un groupe qui vient de Jackson Beach, en Floride. Leur précédent album date de 2015, quand même récent. Et du côté francophone, en 20e, eh bien, on a commencé tout ça avec les amis au Pakistan, avec la fameuse chanson que tu disais qui pouvait sonner bizarre, qui s'appelait Mamf. Mais en fait, c'est un... C'est comme Mamfer. C'est ça. Mamf. Ça, ouais. C'est ça. Et je regarde sur Radical Face qu'on a joué avant. Je disais que l'album datait de 2015 parce que dans leur description, ça dit The Leaves, sorti le 25 mars 2015, alors que Radical Face, The Family Tree, sort le 25 mars 2016. Mm-hmm. Donc, je sais pas s'il y a une question de sous-catégorie, de sous-album ou de sud-album. Peut-être. Single, peut-être. Peut-être, mais bon, peu importe. L'important, c'est que c'est sorti maintenant et qu'on peut l'écouter. Hein? C'est ça qui est le fun? Mm-hmm. Hein? Tiens, avant de sauter par-dessus des choses, on vient d'accueillir 4 nouvelles pièces, donc on va devoir dire au revoir à 4 autres pièces. Donc, si on appelle ça, Palmer Rest in Peace! Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Du 22 au 28 février 2016. Tania. Oui. Oui. Mais excuse, je pensais que tu commençais comme à l'habitude. Non, attends un peu. L'habitude, tu commences à chaque semaine depuis l'automne. Je fais la phrase au début. J'étais pas là la semaine passée. Oh ben tabarnouche. La première chanson qu'on a entendue, c'est Muffin Top des Amis au Pakistan qui restait là pendant 7 semaines. Mmh, ensuite, Aaron a pris ses clics puis ses claques. Après seulement une semaine, on y a laissé aucune chance. Okay. La pièce s'appelle Blues au Noir. Et du côté anglophone, on a entendu The Paper Kites avec Renegades qui restait là pendant seulement 6 semaines. Seulement parce qu'on aimait beaucoup la chanson. Mais pas autant que Grimes qu'on adorait avec Flesh Without Blood qui a duré 8 semaines. Je pense que le segment a fini par l'achever. Ah, je pense que oui. Hein. Voilà. Comme les saignées dans le temps. C'est à peu près ça. Donc voilà pour Palmerest in Peace, où on commence avec la date par moi, et ensuite toi en premier, ensuite moi, et ensuite c'est beau. Toi. Ensuite correct. On fait ça en début d'émission, après les nouvelles entrées dans les Palmerest, c'est fou. Faut bien que je retourne un peu des fois. Mais oui. On saute par-dessus plein de choses. Donc, c'est vrai. Du côté anglophone, on va sauter les 18-17-16. Donc en 18e place, on trouve Uburu avec Cosmic Cannibalism qui est là depuis 8 semaines. Ensuite, Mess Around de Cage the Elephant qui a duré 6 semaines. Et en 16e, c'est The Noble Thieves qui est là depuis 5 avec Give Him Hell. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter les mêmes positions. Donc 18 qui est le Husky avec la pièce Dans la neige. 17e position qui était Joe Dassin de Bruit Noir. Et en 16e, c'est Ariane Dutta avec Emile Nelliga. Voilà. On va aller directement au 15e place. En anglophone, c'est Le Matos avec une pièce nommée Eyes, Throat, Genitals, qu'on se demande pourquoi à chaque fois. Mais bon, ça descend de 6. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 3 positions parce que la semaine dernière, elle était en 18e. C'est Une fille et son flanc gauche du groupe Medora. Dans les papas, c'est fou! Au 89 FM. J'ai tracé une ligne sur ton corps. I'm gonna make it. contre moi. We'll be right back. Le matos, c'est Eyes, Throat, Genitals, descend de 6 places en 15e position anglophone sur l'album Chronicles of the Wasteland. Du côté francophone, c'était Une fille et son flanc gauche de Medora. C'est titre là de chanson. Hey, hein? C'est-tu pas original? Ice Throat Genitals, ça fait comme, tu sais, les parties d'anatomie quand même, tu sais, puis une fille et son flanc gauche. On dirait une histoire de fantasme sexuel. En effet, je suis tout à fait d'accord. Pas les nôtres, en tout cas pas les miens. Je veux pas parler pour toi, je veux pas te mettre de boule en bouche ou en fait. Pas les miens non plus. Rien dans la bouche, je pense. Position numéro 14 en anglophone, c'est Daughter. Un autre fantasme bizarre avec New Ways qui monte de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, en 14e position, c'était la 14e aussi la semaine dernière. On reste stable de ce côté-là. C'est Ils t'appelleront par ton nom du groupe Les Revenants. Un autre fantasme. Un autre fantasme. Il appelle sa fille par son nom, puis après ça. C'est déplacé, je trouve. Tellement. Les palmarès de cette semaine. Thank you.

I'm 12. Minotaur's Gold Rush Lady monte de 2 en 12e position anglophone sur l'album Weird Waves. Du côté francophone, c'était 5 heures de paupières. Mm-hmm, avant ça, on a entendu aussi les positions numéro 13 en anglophone Deer Hunter avec Breaker. Et on a commencé tout ça avec Les Connards à l'Orange et Le Magasin des Choses Utiles. Voilà, c'est la fin de la première heure. On revient dans quelques instants avec une deuxième heure, la portion des positions 10 à 6. Et le bloc C'était fou s'en vient en 2012, toi! Oh! 2012! C'est... Ça fait pas si longtemps que ça. Presque loin. Presque. C'est des Babar assez fous qui reviennent dans presque très bientôt. Merci. Vous êtes assez fous. C'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 29 février au 6 mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, absolument, absolument. C'est la portion top 10 de l'émission. Ouais. Je vous apprends on rien. Est rendu là. Absolument. Donc, position numéro 10 anglophone, ce sera The Sheep. Enfin, je me corrige. J'ai oublié de dire les positions 11 qu'on avait sautées tantôt. Ben oui. Ben oui. Donc, en anglophone, la 11e, c'est King Gizzard and the Lizard Wizard avec The Bitter Boogie qui monte de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, on saute Mon Oncle Serge avec sa fameuse chanson Des Questions. Et voilà, on va sûrement avoir le temps de revenir à quelque chose d'ici la fin de l'émission dans les pièges qu'on a sautées. Mais on est rendu au 10e. Donc, en anglophone, j'allais commencer à le dire tantôt. The Sheep avec Back Down qui monte de 2. Et du côté francophone, eh bien, on monte de 7 pour Mehdi Cayenne avec Pigeon Voyageur. Pas mal assez fou. Au 89 FM. Les yeux qui poussent, les yeux du temps qui passent, devrons-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours, quand le souvenir de notre éternel retour. Que le quotidien nous égare, que le printemps se prépare, ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent. Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de ce love et dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs, et tout le neuf dans nos cœurs. Pigeon voyageur, tout le neuf dans nos cœurs. De pigeon voyageur, voyageur, que l'ici soit ailleurs, que l'ici soit

9. La voix angélique de Emily Haynes, Metric avec Celebrate, qui descend de la 5e place en 9e anglophone. Et du côté francophone, en 9e position, la semaine dernière, ils étaient en 16e place. C'est la pièce Les enseignes au néon de la Valérie. Néon. Je te dis. Néon, ça. Néon. Néon, c'est juste le mot. Gag. Hey. Gag. Je l'avais compris. Ouais, c'est quand tu commences à écrire des gags. Hein. 8e position, les deux sont stables. Ah, incroyable, ouais. Comme ça changeait quelque chose, mais bon, c'est un événement pour moi, là. 8. En anglophone, c'est David Bowie avec This Pity She Was a Whore. Et du côté francophone, c'est Eddie Cramps avec Viens me voir cette nuit. Colin, des pits pis des camps. Hey, on n'arrête plus. On n'arrête pas le progrès. Déplacer ça. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Des pits pis des camps. Nouveau slogan. Ouais. Des pits pis des camps. Thank you.

Kurt Vile et I'm an Outlaw qui montent de 10 places en 7e position anglophone. Du côté francophone, on a monté, là aussi, de 8 positions. C'était Pékin de Jason Bahada. Ah, ça vole pas très très haut les blagues aujourd'hui. Eh ben non, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'émission. Hein. On a quand même encore la moitié à faire. Donc en position numéro 6, anglophone, on écoutera You Say Party avec Ignorance qui monte de 14 places. C'était une nouvelle entrée en 20e la semaine passée, méchant bon. Oh, quand même, hein? Et du côté francophone, eh bien, on fait un saut de 6 positions parce que la semaine dernière, ils étaient en 12e place. C'est Hidalgue où ils dansent avec les genoux réinventés, pour ceux qui connaissaient le band avant, avec la pièce Demi-Serpent. Clac, clac, clac, clac, les genoux. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Un serpent entre les genoux, pas le fun. Non, pas vraiment. Ça tient pas vraiment. Rarement. C'est les paroles assez fous. Au 89 FM. Rarement, t'as dit? Rarement. C'était You Say Party avec la pièce Ignorance qui monte de la 20e à la 6e anglophone, nouvelle entrée de la semaine passée. Et on a commencé ça avec Hidalgue, il danse avec les genoux, avec la pièce Demi-Serpent en 6e francophone qui la semaine dernière était en 12e place. On fait tout le temps ça nous autres, danser avec les genoux. Qu'est-ce ben oui, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux danser autre qu'avec les genoux? C'est ça, t'as pas le choix. T'sais, c'est la base. Honnêtement. Oui, honnêtement. Il faut honnêtement. Les utiliser. Ouais, t'as comme pas le choix. Justement, veux-tu passer un petit 10 minutes à danser les genoux? Ah, pourquoi pas? Parce que c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou! Allons-y! Ah, gazé les genoux! Wow! Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 27 février 2012.

C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 27 février au 4 mars 2012. Alors, on a commencé avec le numéro 1 francophone, Fanny Bloom avec Parfait Parfait sur l'album Apprentie Guerrière. Ensuite, c'était The Cat Empire avec le numéro 1 anglophone, Waiting sur l'album Cinema. Et on a terminé avec une pièce bonus, un de mes albums préférés, un de mes groupes préférés. Je sais que je le dis souvent, mais c'est parce que la pièce bonus, c'est une pièce que je choisis parmi le top 20 moi-même. Donc, Library Voices avec Traveler's Digest sur l'album Summer of Lust. Et j'étais en train de faire des fractions dans ma tête pendant qu'on écoutait le bloc. Oui, on calculait des affaires en fractions. Parce que 3 pour 12, mettons, là, mettons que t'as 3 de quelque chose versus 12 de quelque chose d'autre. Ouais. Mettons des pommes contre des oranges. Ouais. Si tu veux ramener ça à une fraction qui est comme humainement compréhensible. Ça fait 1 pour 4. 1 pour 4. Parce que ouais. Talia, si tu me dis 3 pour 12, moi je comprends rien. Je suis désolée, j'ai pas pensé. Honnêtement, j'ai donné des chiffres au hasard, ne sachant même pas que ça allait donner 1 pour 4. Ok, t'as pas calculé, je pensais que t'avais calculé. Ben, j'ai calculé de façon rapide et mentale et c'est à ça que je suis arrivée. Essaye de comprendre le nombre de filles qu'elle a sur son Facebook versus le nombre de gars. Ouais, c'est... Donc t'as 3 filles pour 12 gars. C'est ça? Ouais, c'est parce qu'on fait un gros ménage de mon Facebook présentement, Mathieu et moi. Oui. Bon, je n'allais pas l'expliquer jusque-là, mais si tu le dis, OK. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Bref, hein, ça pour dire que c'est le bloc C'était fou, ça. C'est tout ça pour dire ça. Et ça pour dire aussi que le bloc C'était fou est ce qui conclut cette deuxième heure de l'émission. Oui, oui, d'un coup sec de même, pas d'autres pièces à la fin, c'est de même. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour une troisième heure. C'est le top 5. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 anglophone est toujours Young Rival avec Interior Light. Et on va savoir du côté francophone si c'est toujours Renard Blanc avec La Brume. Léo Renard Blanc DiCaprio a gagné un Oscar, je pense. Oh, yes. My God. Oh my God, le petit renard! Restez là! Vous êtes assez fait. 80 C'est les palmarès fous pour la semaine du 29 février au 6 mars 2016. On entre dans la troisième heure et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. J'ai pris le soin. Tout le temps. Tu prends tout le temps ce soin-là. D'attendre que t'aies fini ta gorgée. Merci. Mais là, à un moment donné, hein? À un moment donné, on va pas faire un silence radio, là. Hein? Mais non, je sais bien. Bref, c'est la portion, oui, top 5. Et je dois vous annoncer dès le début de cette troisième heure. Je m'excuse de prendre le lead pour faire ça. Peut-être veux-tu l'annoncer toi-même. Non, mais, vas-y. Nos numéros 1 sont tous les deux rendus en 5e place. Oh mon Dieu! Je sais, je sais. En anglophone, c'est Young Rival avec Interior Light sur l'album du même nom qui passe de la première à la 5e place. Et du côté francophone, qui passe aussi de la première à la 5e, c'est La Brume de Renard Blanc. Ah! C'est triste, mais ça veut dire qu'on a une nouvelle surprise en première position des deux côtés. Tu vois, tantôt, on a parlé de Renard Blanc et de Léo Renardo DiCaprio. celui-là, il perd sa première place. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui monte doit redescendre, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Leonardo va vieillir. Ah, messieurs. Il va être de moins en moins sexe. Hé! Hé! Hé! Bon petit tristesse. Mais vous allez pouvoir y couper une jambe puis le tenir après votre porte-clé pour vous porter chance. Ça, c'est sûr. Léo Renardo DiCaprio. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Young Rival et Interior Light, position numéro 5, anglophone. Du côté francophone, c'était Renard Blanc avec La Brume. Ah, tu danses encore avec les genoux depuis tantôt. Là, je dansais avec les bras pas mal, mais ouais, je dansais avec les genoux. Je pensais qu'avec Renard, t'allais danser avec une queue, mais non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Position numéro 4, les jeux de mots que je pourrais faire avec une chute comme Reversing Falls, mais je vais m'en passer. This Is Why est en 4e place, ça monte de la 11e sur l'album Reversing Falls 2. Du côté francophone, eh bien, on a descendu d'une position cette semaine parce que la semaine dernière, ils étaient en 3e place. C'est Pantaléon avec Retour. Ah ben voilà. Et ma blague de Reversing Falls, c'est une blague de chute de... En tes jambes, mais tu vois, je... Non, c'est une chute de tempête de neige demain. Une tempête de neige. Oui, il annonce pas beau demain. L'auditeur est en train de me souhaiter bon congé. Il y a right qu'on a des congés ici. Non, pas sûr. On va être là. Fidèle au poste. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. I'm not afraid.

89.1. 3. Saw the pictures, read all your darkest thoughts while you were waiting, ready to brush me off. We could be friendly, we could be out of touch, we could be famous, or even infamous if you are. Baja Bullet et Infamous montent à la 7e à la 3e place anglophone. L'album s'appelle Good Advice. Du côté francophone, comme je vous l'avais dit, ça a monté de la 10e à la 3e place cette semaine. C'est Fait faillite des Hôtesses du l'air. Mais hein, il reste seulement une demi-heure ensemble. Oui, seulement. Pas beaucoup de choses. On a le temps pour entendre les 2e et 1e places. Mm-hmm. On va sûrement pouvoir revenir en arrière un petit peu lorsqu'on a sauté. On le souhaite bien. Mais commençons par le commencement. Allez, les 2e places. Avant de passer au numéro 1, quand même, on peut aller directement au numéro 1. Ce serait non. Outrant, outrageux. Ça serait comme voler une partie de gâteau quand oui. À un enfant. Ou se mettre la langue directement sur le glaçage. Aussi. Que de mauvaises habitudes que t'as pris là avec le temps. Donc, 2e place anglophone, c'est Savages avec Adore qui est stable. Et du côté francophone, c'est Mordicus avec Grandville. Parce que clairement, c'est un fait sur ta vie. Ben oui, clairement. C'est pas le reste, c'est vous! Au 89 FM! Je veux. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. Savages et la pièce Adore, stable en deuxième place sur l'album Adore Life. Et du côté francophone, c'était Mordicus avec Grandville. Et voilà, nous voilà arrivés à nos premières places de chaque bord. Oui! Et première place de dire jeu de mots poche de ma part. Ah oui, c'est vrai. Oui. Peu importe que vous soyez dans votre voiture, à la maison, évaché dans votre divan, en train peut-être même d'attendre l'autobus. Peut-être même que votre maison est en feu, vous avez appelé les pompiers. Peut-être même que vous avez appelé Batman, puis son téléphone avec la grosse lumière rouge est en train de flasher. Hein? Peut-être même que vous avez appelé, comme dans le film avec le sapin à des boules. Peut-être que vous avez appelé un livreur de sapin. Oh, peut-être. À l'avance, l'année prochaine. Chevy Chase est là en train de vous présenter votre sapin. Je ne sais pas, peut-être. Sinon, peut-être que t'as appelé, les policiers, oui, les hommes en bleu. Oh, oh. Ou peut-être que t'as appelé le chien du voisin qui s'adonne à s'appeler Bruce. Peut-être, je sais pas, peut-être. Peut-être que vous êtes célibataire sur Tinder en train d'appeler un de vos matchs pour venir vous rejoindre ce soir pour Netflix and Chill. Vous avez pas le choix, vous êtes. Sûrement. Vous êtes le public site de mes jeux de mots. Voilà. Uh-huh. Explique-nous ça, s'il te plaît. OK, bon, ben, si vous êtes en train de passer au feu et que vous attendez l'autobus... Oui, un des deux, le passant, quand même, ce serait stupide. Eh bien, c'est parce que la première position francophone cette semaine, giga saut oui. De la 19e position à la première place, c'est Rouge Pompier, d'où le camion de pompier rouge qui attend l'autobus, parce que la pièce... C'est bien sûr autobus. Et t'as oublié le téléphone rouge de Batman. Ben oui, le téléphone rouge de Batman. Et je vais t'avouer que Chevy Chase... C'est le gars dans le sapin à des boules. Ah, tu vois, moi j'aimais pas ça ce film-là. Alors je ne pouvais savoir. T'es mais tellement snob. Je sais. Ça pas là. Terrible. Le film Le sapin à des boules, c'est pour présenter l'album en fait de Rouge Pompier qui est Chevy Chase. Et du côté anglophone, eh bien peut-être que vous attendez les pompiers. Ou les hommes en bleu, parce que la première position cette semaine du côté anglophone, c'est l'ancienne troisième place. C'est Hey Blue de Etou Brousset. Hey. Et ça, c'est le nom du chien. Oui, du voisin. Ce qui Brousset. Est basé sur un fait vécu, hein, parce que mes voisins, les parents de mon ex, leur chien s'appelait Bruce. Pour vrai? Il s'appelle encore Bruce, en fait. Brousset. Et puis, je dois te corriger, les hommes en bleu, c'est les policiers, parce que les hommes en jaune, les pompiers. Oui, j'ai pas dit... Ah, excuse, j'étais sûre que j'avais dit policier dans ma tête. Et en fait, l'album, c'est single, donc c'est peut-être pourquoi vous êtes en train d'essayer de rejoindre un de vos matchs pour Netflix and Chill ce soir. C'est parce que vous êtes célibataire, eh oui. D'où l'album single. Ah, que t'expliques bien ça, Tania. Ça c'est aucun okay, bon sens. C'est presque aussi clair que mes jeux de mots à la base, dans ma tête. Ouais. Donc voilà, on les écoute Etou Brousset et tout de suite Rouge Pompier sur C'est fou, c'est des palmarès. 89.1 FM.

KG à la fin avec Mess Around, 17e place en anglophone, ça descend de la 6e. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Joe Dassin de Bruit Noir, qui la semaine dernière était en 13e position, mais qui cette semaine se retrouve aussi en 17e. C'est tout pour les palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 février au 6 mars 2016. Merci Talia d'avoir été là. Et merci à toi Mathieu Blanc. Ça fait plaisir, on se retrouve à la semaine prochaine, toujours en direct les mardis entre 15h et 18h. Après nous, il n'y a pas de réanimation ce soir, donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour ça à 19h, mais quand même réanimation. On joue le vendredi soir à 17h, après nous à 20h c'est Skypunk, et finalement à midi les dimanches, après nous c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. Je me suis presque perdu là-dedans, hein. Non, mais tu sais, on entend des gens crier autour du studio. J'aimerais pouvoir blâmer ça, mais en fait, je les entends pas parce que mes écouteurs sont tellement bons. Moi, je veux qu'on l'entende un peu. On entend? On l'a écrit. Ouais. Bon. C'est pas des gros cris. Là. Ça criait fort tout à l'heure. Promis. Bon. Bref, restez à l'écoute pour toutes ces belles émissions et retrouvez l'horaire sur cif.ca. Notre émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec une dernière pièce, c'est la 16e position anglophone de Noble Teeth avec Give Him Hell sur la plupart de vos stations. Merci encore, Talia. Merci à toi, Mathieu. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Box me, get well. Now I see the signs, and I know what.